Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 88-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 88-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie. Dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler de la Véloroute des Bleuets, une autre année qui débute à la Véloroute des Bleuets, évidemment, et question d'avoir un peu les nouveautés, s'il y a des nouveaux trajets, également comment on s'attend de visiteurs. On va parler avec la responsable des communications et de la commercialisation de la Véloroute des Bleuets, Mme Cheryl Gravel. Bon après-midi, Mme Gravel. Bonjour, Monsieur Veilleux. Madame Gravel, si on parlait un peu de les nouveautés cette année à la Véloroute des Bleuets. Oui, bien écoutez, tout d'abord, il y a notre nouveau guide cycliste là, 2018-2019 là, qu'on vient de sortir. En fait, okay. Là, on l'a emmené avec nous au dernier salon du vélo qui était le salon de New York. Je pense que vous connaissez déjà probablement ou que les utilisateurs connaissent déjà celui de 2016-2017 là qui dont dans lequel on retrouve l'ensemble des cartes du circuit cyclable de la Véloroute. Donc, ces cartes-là sont également disponibles sur notre application mobile là, par l'entremise de Ondago. Il suffit d'aller chercher la catégorie Véloroute des Bleuets. Ça, c'est une belle nouveauté parce que c'est un guide qui est vraiment très apprécié chez les utilisateurs. On a également notre nouvelle collection Prestige 2018 qui est faite cette année par Garneau et puis pour laquelle on a d'excellents commentaires là, jusqu'à maintenant. Alors, il suffit de visiter notre site web sur notre boutique en ligne ou simplement à partir d'en fait du 15 mai, hein, vous savez que la Véloroute des Bleuets, le circuit cyclable est maintenant ouvert et sécuritaire pour tous. Donc, et à partir du mois de juin, je vous dirais peut-être la mi-fin juin. En fait, la date exacte, c'est le 18 juin, là, pour être plus clair. Nos maisons du vélo vont être ouvertes également, donc les gens vont pouvoir nous visiter pour avoir l'ensemble des informations, puis aussi pour découvrir notre nouvelle collection Prestige. OK. Dites-moi, vous m'avez allumé sur quelque chose, tantôt, vous avez dit on est allé au salon de vélo de New York. Est-ce que vous en faites beaucoup de salons comme ça? Oui, bien sûr. En fait, on fait la promotion dans presque l'ensemble des salons du Québec. Là, je n'oserais dire l'ensemble parce qu'il y en a des nouveaux à chaque année. Mais habituellement, là, on est vraiment à celui de Québec, Montréal. On est à celui de Saguenay, là, bien sûr. Quand on parle du salon du vélo. Il y a le salon de Toronto là également dans lequel on est présenté et je me suis rendue là cette année au salon du vélo de New York là. Donc on a pu faire la promotion de notre circuit cyclable de plus en plus, hein, on fait la promotion au niveau international, principalement dans la section plus nord-américaine. Okay. Parce que maintenant, on se dit vraiment la destination vélo en Amérique du Nord, et c'est parce qu'on a les statistiques pour le faire. OK. Est-ce que vous avez eu des bons commentaires? J'imagine. Est-ce que c'est gros, le salon de New York en vélo? Ça doit être terriblement gros. Puis j'imagine qu'il y a des gens qui se sont posé des questions. Est-ce que vous attendez des bonnes retombées de votre passage dans la grosse pomme? Oui, ben écoutez, là, je m'excuse, j'ai pas très bien compris la deuxième partie de votre est-ce que c'est gros le salon de New York et j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui vous ont posé des questions également sur la véloroute et est-ce que vous vous attendez avoir de belles retombées de votre passage au salon du vélo de New York? J'imagine que oui, hein. Oui, ben écoutez, c'est assez impressionnant là. En effet, c'est un gros salon, donc il y a vraiment plusieurs cyclistes là qui viennent nous visiter. L'approche est un petit peu différente quand on parle du salon du vélo de New York ou vraiment quand on quand on est aux États-Unis, contrairement à lorsqu'on est au Québec. Lorsqu'on est au Québec, on a vraiment une approche informative. Donc, on va vraiment donner l'information sur la Véloroute des Bleuets, mais habituellement, les gens en ont déjà entendu parler, ils la connaissent. Et en fait, c'est impressionnant à quel point ils connaissent la Véloroute. Lorsqu'on est aux États-Unis, il y a vraiment deux types de, bon, je dirais, de potentiels utilisateurs à qui on parle. On a vraiment ceux qui ont déjà entendu parler de la Véloroute des Bleuets, mais ils sont pas trop certains on est où. Hein. Ils se demandent c'est où le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc à ce moment-là, on leur montre les cartes. Puis mais les gens souvent ont déjà entendu parler, sauf qu'ils vont pas la connaître au même titre, là, ils vont pas connaître le circuit au même titre que ceux du Québec. Puis le deuxième type de clientèle, c'est vraiment ceux qui recherchent une nouvelle destination vélo. Puis ce sont des gens vraiment qui vont être habitués à en faire du cyclisme à l'international ou à l'extérieur des États-Unis. À ce moment-là, ces personnes-là ne vont pas nécessairement connaître le circuit de la Véloroute des Bleuets, mais ils sont très très intéressés lorsqu'on leur donne l'information. Puis aussi là, de détenir notre guide d'expérience vélo, je vous dirais que c'est vraiment intéressant. Là, on est vraiment un des seuls circuits cyclables là, qui avons cette qualité de guide-là. Donc, les gens repartent bien heureux là, habituellement de notre kiosque. Est-ce que l'Europe, les Français, je sais que les Français, c'est très, ils nous aiment beaucoup, hein, ils aiment beaucoup notre territoire. Est-ce que ça, vous, j'imagine que vous les approchez d'une manière différente, c'est ça? On a déjà chaque année c'est différent au niveau de l'approche puis de la promotion de la Véloroute. Donc cette année là on mettait vraiment une emphase particulière par exemple sur le secteur nord-américain. Puis je vous dirais là que pour les deux prochaines années là, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on va se concentrer. Mais dans les années antérieures, ça nous est arrivé là d'aller soit faire des circuits cyclables européens ou d'aller participer à des événements. Puis au cours des prochaines années, là, c'est certain que dans notre planification là, de faire la promotion, peut-être on parle de parce que là j'ose pas trop m'avancer étant donné qu'on est comme pas exactement rendu là. Pour l'instant, on fait beaucoup de placements au niveau des magazines, au niveau des médias sociaux. Donc en effet, on est en contact avec certains médias européens. Puis, au niveau de la participation à des salons ou de certains événements, ben en effet, on a dans notre planification de le faire. Sauf que là, pour l'instant, là, on peut rien dire à ce niveau-là. Peut-être que l'année prochaine ou celle d'après, je pourrais vous en parler un peu plus. On va revenir sur ce que je vous ai appelé. C'est parce que c'était pas ça qui était prévu pantoute, là, mais c'est parce que vous m'avez allumé sur New York, puis je voulais vous poser la question, c'est pour ça. Donc, les nouveautés maintenant. Donc, dans le haut du lac, est-ce qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent? Je sais qu'il y a eu des travaux de fin l'année passée. Est-ce que cette année, comment ça s'enligne, là? Ouais, au niveau des nouveautés, je ne peux pas m'avancer parce que ce sera pas en 2018. Okay. Alors, il y a certains projets qui sont sur la table pour les prochaines années, c'est sûr et certain. On travaille vraiment de concert avec les municipalités là pour continuer d'assurer la sécurité sur le circuit, mais aussi pour assurer son développement. Par contre, c'est à chaque année, on vous parle de certains refectionnements là qu'il va y avoir sur certaines parties des pistes cyclables ou par exemple sur les bandes asphaltées, les chaussées partagées. Dans le secteur de Normandin, là, on a, par exemple, on va vraiment refaire une couche d'usure là, au niveau de la route 169, donc vraiment dans l'entrée nord de la municipalité. Donc, il va y avoir vraiment des travaux de pavage. Je ne sais pas là, s'il y en a peut-être qui connaissent un peu le secteur de Normandin. Ouais. On parle de l'accotement sur le rang 4. Il y aura aussi la réfection au niveau du pavage là, sur la rue Camille Frigon. Donc, ça, c'est vraiment dans le secteur de Normandin. Sinon, il y aura aussi d'autres travaux là qui sont... pour lesquels on n'a pas encore, on attend encore les confirmations de date, mais à Sainte-Monique, il va y avoir également des travaux à Albanel, à Péribonka et à Héberville. Comme il y a toujours, c'est des travaux d'entretien, quoi. C'est à peu près ça, là, pour bien entretenir la véloroute. Dites-moi. Ben, c'est certain que. Oui. Oui, continuez. Est-ce que vous avez des objectifs précis de visiteurs? Oui, bien, à chaque année, on a une petite augmentation au niveau de l'achalandage sur la Véloroute des Bleuets. Écoutez, on a plusieurs éco-compteurs là, qu'on retrouve là, dans certaines municipalités autour du lac Saint-Jean. Ces éco-compteurs-là nous permettent d'avoir de l'information par rapport à l'achalandage sur chacun des circuits. Mais cette année, là, on attend tout près là, qu'on attend tout près de 255 000 visiteurs sur la Véloroute des Bleuets. Oui, si on compare avec l'année dernière où est-ce qu'on en avait tout près de 253 000. Puis à chaque année, là, on subit une augmentation. Donc oui, on s'attend encore une fois là, d'avoir une saison là, assez active. OK. Ça va dépendre aussi beaucoup de tributaires du beau temps. Les festivals, c'est tributaire du beau temps. J'imagine que la Véloroute, c'est la même affaire. Là. Mais je vous dirais que oui et non. En ce sens que malgré il y a des années là, le circuit de la Véloroute des Bleuets, c'est vraiment très reconnu. Puis les gens ils organisent leur voyage en avance. Okay. Donc je voudrais que c'est assez rare qu'on entend parler de gens qui ont décidé à la dernière minute d'annuler leur voyage parce qu'il annonçait de la pluie ou parce qu'il faisait plus frais une année ou l'autre année. Donc je pourrais pas vous dire là qu'on voit de lien direct là avec la température, okay, étant donné notre notoriété importante. OK. Autre chose à ajouter peut-être en terminant, Madame Gravel? Pardon, je m'excuse. Autre chose à ajouter peut-être en terminant? Avez-vous d'autres choses à ajouter peut-être sur... D'autres choses à ajouter, oui, je m'excuse. Oui. En fait, j'invite les gens, on vient de refaire notre site web est tout nouveau, on vient de le refaire, donc allez visiter notre boutique en ligne, allez voir ça ressemble à quoi notre nouvelle collection Prestige. Puis, c'est ça, on en est bien fiers. La même chose avec le guide cycliste là, qui est tout à fait gratuit. Donc, venez nous jaser, venez vous en chercher un là, dans les différentes maisons du vélo. Bravo. Donc, peut-être rappeler votre Facebook qui est souvent à jour, j'imagine, en tant que responsable des coms. J'imagine que vous mettez souvent des photos, des informations et votre site web également. L'adresse de votre site web? Le site web véloroutedesbleuets.com. Sur Facebook, c'est facile de nous trouver. Là, ici, il s'agit simplement là, de taper Véloroute. Et puis également là sur Instagram, là, on devrait être assez actif cet été aussi. On a une nouvelle catégorie d'ambassadeurs, nos ambassadeurs sportifs qui vont vraiment être actifs à ce niveau-là, au niveau de la prise de photos. Puis ils vont nous envoyer ça va nous permettre de mettre des belles photos de notre circuit cyclable. Ben bravo, Madame Gravel. Puis on va se reparler à la fin de l'année pour faire un peu le bilan de tout ça. Ben merci à vous. Voilà, Cheryl Gravel, qui est la responsable des communications et de la commercialisation de la Véloroute des Bleuets.